Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui va en pêche? Qui cherche les verres? Sous la pépière? Y'en a pas. S'en va dans le bois. Oublie la truite. Cherche des bébites. Mais là, il y en a. Oh. Qui dit j'ai faim? Qui tombe sur les nerfs? La progéniture m'a déjà dit t'as pas de cœur. Et voyons donc, la preuve, j'ai un de ces mal, un de ces mots, mes mots. Espèce de faux papa. C'est moi ça, papa? Faux papa. Faut pas perdre de vue que les enfants sont quelquefois cruels. Même si vous les élevez à la truelle, et vous les massacrez avec des chansons de Patrick Bruel. Rendez-vous dans 15 ans avec Papa Antipon. Et monsieur, comment tu fais lever un pep avec ça? Au moins, tes enfants, tu dis, évolue. Fais jouer Tigel, fais jouer Claude Léveillé, fais jouer tout ce monde-là, ils ont de la place ici. Moi, très heureux de recouler et d'onduler sur les ondes de CKRL. Effectivement. Préfères-tu recouler ou onduler? Oh, bonne question, celle-là, là. C'est vous rentrez dans le vif, ou là. Quand ça rentre dans le vif, là, on dirait que ça m'allume le réverbère. Qui? Ben oui, tu sais, la lumière au-dessus d'une rue. Au-dessus, en dessous, il y a la rue. En dessous, il y a la rue. Au-dessus, il y a une lumière. Ah, mon Dieu, c'est la lumière de l'Esprit Saint. Ah, non, non, hey, non. Oh, non, il rentre. On rentre en transe, en mental. C'est quoi votre question, hein? Préfères-tu recouler ou onduler? OK. On était parti là-dessus. Ben, en fait, moi, j'ai pas vraiment de préférence. Toi, Clémence? Ben, moi non plus. Moi non plus. Non, c'est moi non plus. Moi non plus. Bon. Mais, j'ai de lâcher le micro. C'est quoi? C'est du 1997? Oui, monsieur. C'est-tu qui a chanté dans ce micro-là, dans ce temps-là? Claude Malade, la grande chanteuse Claude Malade. Ah, oh, cette les cheveux blonds, la bouche, ça finissait plus, cette bouche-là. Tu la regardais et elle bavait d'amour. Mais monsieur, toi, c'est dégueulasse, mais elle... Oui? C'est vrai, on n'a pas encore répondu à la question. Là, le monsieur lâchera pas, êtes-vous... on sait pas le sexe, hein? Quand même assez mystérieux, ça, on va réécouter, hein? Préfères-tu recouler ou onduler? C'est bisexuel, cette affaire-là, là. c'est indéfini, sable. Puis ça, ils savent me reposer toujours les mêmes questions. Êtes-vous un journaliste d'une radio pas trop catholique, vous, là? Préfères-tu reculer ou reculer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? On la coupe ou... non, on peut pas, hein? Non? Pas de violence? Non, on peut... Ouais. La 107 a sonné. Ouais, elle veut une soupe chaude puis un verre de lait froid. Puis là, il faudrait que tu... Lorsque tu vas lui monter ça, là, en frappant, lorsqu'elle va ouvrir, sans doute dans un grand peignoir, Non, pas... Non, c'est pas... Écoute-moi, là. Regarde-moi. Un peignoir, c'est comme une robe, mais refermée Amène-moi le dessin, là. Rentre ça sur les internets. Ben oui, non. Ouais, les internets, fais pas pochoir. Oh, t'as vu... calme-toi, mon petit champion. T'as vu le mépris de Jean-Luc Collard? Il est tard, hein? Mais Brigitte Bardot, bon, ben, elle avait un peignoir, elle. Quand tu sors de la nouche, de la bouche du canon, tu te places sur le corps quand c'est brûlé au troisième degré. Puis au deuxième, moi, je me promènerais presque nu au soleil pour me rendre au troisième. Ah ouais, troisième, ah ouais! C'est comme les buts au baseball. Quand tu rentres au troisième but, là, c'est ben ouais, au troisième degré, vas-y, brûle. Mais je suis le docteur sans fin, oui. Vous êtes rendu au deuxième et trois quarts. OK, continuez à brûler, ça les brûle. Si vous continuez, le cancer risque de prendre dans cette peau. Molassonne. Je suis l'enfant que ma femme apporte. J'allais dire ta mère. Ta mère porte ton propre enfant. Hey, là, mais le poisson, on n'est pas dans un conte de Victor Lévy-Beaulieu. Là. C'est très, très simple. Là. Excusez-moi, Mme Thibodeau. Là. Trois personnes viennent de rire parce qu'ils connaissent l'œuvre de M. VLB. C'est quand même intéressant, hein? Au Québec, on dit VLB. Au cinéma, on dit G-M-O-Y-A-T. Non, c'est GLP, JLP, Jean-Luc Godard. Non, JLG. Voyons donc, P pour Providence, pochoir. Non, pochoir. Non, il fait noir, pochoir. Ouais, au niveau des yeux, là, ah mon Dieu, j'ai eu trois coins de suture au-dessus de la mormette. Ah, mormette. Mormette de la pochoire, ça va peut-être moins gonfler. Oh, c'est beau, c'est drôle, c'est rigolo. Oh! Mais, t'as peu, là. Jean-Luc Godard, Victor Lévy. Bon, OK, il y a VLB et JLG. Puis ça, on sait les reconnaître, là. On ne demande pas. Oh, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? On les connaît. Pour les gens qui ont de la culture, les autres, ben... C'est quoi cette émission-là? Ils viennent dire le GLB, mais... Ça doit être des codes pour attaquer la Terre. La Terre glace. Ah, mon Dieu! Toute molle, mais tranquillement, elle se durcit. Comme mon état mental. Bon, ton état mental s'endurcit. Préfères-tu reculer ou reculer? Monsieur, ouais. Lâchez pas la question, on va y répondre à un moment donné. Roucouler, c'est comme l'oiseau, hein? L'oiseau. C'est. Ça, c'est roucouler, hein? Oh, la tourterelle, moi, c'est la toute belle. Et monsieur, c'est pas beau, ça? Mais, comme disait mon ami Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah ouais, il faut avoir des yeux de rocker. Oh non, des yeux de... C'est un anglicisme, hein? D'homme de camion. Ouais, mais là, rocker, troqueur, ça allait bien, mais rocker, homme de camion, là, ouais, ou fan de camion. J'ai des fans de camion, il y en a des fans de camion. Ils tiennent ça, le volant, là, avec leurs petites mains toutes frêles, là. Comme un mec, je suis capable. Le pied sur la pédale à fond, là. De la glace, il y en a. Là, il maîtrise le véhicule là, aussi bien qu'un homme. Moi, je regarde ça. J'ai pas de permis de conduire. Je vais avoir un scooter électrique pour pas avoir de permis, pas avoir de... Comment t'appelles ça? Donc, d'immatriculation à payer. pas des boulevards. Moi, je veux rien savoir des boulevards, mais ah mon Dieu, je veux pas être comme. Moi, sous les grands boulevards, j'ai mon scooter, j'ai mon scooter, j'ai mon scooter et moi. Dans les grands boulevards, je me recoule, je me recoule, je me recoule. On arrête ça là? Y'a plus de rôle? C'est Yves Mont... sur les grands boulevards de... Arrête donc, toi. T'es juste à te regarder faire des grands signes, t'as l'air d'une locomotive. Fais-tu recouler ou aduler? On va commencer à répondre. Onduler, ondura, en ondura, en endura, à t'endurer, je suis incapable. Mais roucouler, quoi que ça peut amener des points, ça, hein? T'es là sur le dos, là. Hein? La fille va dire, oh, on va le caresser. J'imagine que hein, tu vas faire le beau. Tu vas... Hey, tu fais bien ça, toi, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je bois du jus de micro. Monsieur, je demanderai à notre entretien ménager, l'égérie du micro à nettoyer toutes les petites parois à l'intérieur. Là. Il y a du jus de 1997. Ouh! Qui a chanté là-dessus? Ouh! L'interprète. Michel Lovin. Oh! Le grand Michel Lovin a repris en disco la Dame en bleu. Qui a le bal encore nu? C'est pas du disco, ça? Ah, c'est vrai, c'est avec la fanfare des enfants de Saint-Exupéry. On n'a pas eux autres. Ben oui, ils étaient invités gracieusement par gracieuseté. Mais parce qu'on n'avait pas une mauditienne à mettre là-dessus. Puis là, Michel, il dit, ah, mais je vais passer là, je vais passer là. Ben, passe là, mais on peut pas, là, te faire chanter. Ah, pas de problème. A cappella. Oh, mon Dieu. On a déjà juste 3 auditeurs. Si tu chantes a cappella, il n'y en aura plus. Là, il me dit, hey, j'ai des beaux habits, moi, là. Des beaux habits propres. Achetés. En Italie. Oh! Coupé sur mesure pour mon corps de rêve. Est-ce qu'on parle du chanteur qui est devant moi? Oui, on parle de ça. Oui. Ta coupe de cheveux. Ah, moi, j'ai une coupe qui découpe tout entendement. Et ça, c'est vrai, ça me découpe même les mots. Ah, mon Dieu! En visu. Affichez-moi ça en haut de l'affiche. Comme me disait Aznavour. Je le voyais déjà en haut de l'affiche. Bon, et puis après, qu'est-ce que vous avez... oui? Préfères-tu recouler ou onduler? Oh, recouler. Franchement, là, onduler, j'ai pas le corps pour onduler, moi. Oh. Puis ça me plaît, moi, recouler. C'est sonore. C'est plein de ressortants qui... ça me ressort des boyaux narratifs. Yeah. Ouais, non, mais vous fermez les deux boyaux, là. Ça reste coincé là-dedans, là. Hein, ça fait de l'écho. Et puis, quand vous percez avec des petits cure-dents pour savoir, est-ce que c'est prêt, ça fait... Puis quand c'est prêt, ça fait... Ouais, c'est bizarre, ça. On n'a jamais vu ça dans les recettes. Non. Vous ne trouverez jamais ça là-dedans, là. C'est un scoop. Oh, mon Dieu, un scoop, pas de glace. Non, deux glaces. Mijoter à 300... Non, faites pas mijoter ça. Ça va exploser. C'est quoi? Ben là, c'est une nouvelle potion que personne connaît. Ah, non! Mais là, ça va rester entre nous. Ben, entre nous puis les deux auditeurs qui nous écoutent! Non, il y en a 3. 3? Oui, parce que il y en a une autre qui fait semblant de pas écouter, qui est à l'hôpital, couchée, qui a eu un accident parce qu'elle a ondulé sous un camion. Elle se croyait invincible, comme tous les super-héros. Au bout du compte, elle s'est rendue compte de ce qu'elle passait dans le... qu'elle est une super zéro. 3 auditeurs. 3 auditeurs? Qui ne sauront jamais le reste de l'impro. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, monte le son. Mesdames les voluptés, monte le son. Et vous, chers résidents impudiques, bienvenue à l'émission de variété Gaétan? C'est C'est Réal. Oui, allô? Gaétan, sais-tu que je suis maintenant en onde? Oui, allô? Ben, mon scripteur, mon pipi, ben non, moi. Hein, t'es, allô? Oui, allô? Oui, vous êtes là, madame? Oui, allô? Vous êtes mon ami, hein? Oui, allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe ce soir, là? T'es pas à l'écoute? Oui, allô? Oui, allô, c'est Rénal. Oui, allô? Tu vas pas dire que tu fais... Tu fais pas partie de la grande famille des insignifiantes? Oui, allô? Oui, allô, madame? Oui, allô? Oui, c'est Rénal. Oui, allô? Bon, ça va bien, vous? Allô, madame, ça va bien, vous? Bonjour. Bon, mon Dieu, vous avez perdu l'octave en ré mineur. Ré, ré. Bonjour. Ah, mon Dieu. Oui. Parlez plus fort, madame, on vous entend pas. Ah, ça crache. Ça crache. Monsieur le Président, mesdames les voluptés. Oui. Oh, hey, attendez, on a trois enfants ici ce soir. En fait, c'est de mes trois femmes, parce que ma première est décédée. Ma deuxième a voulu divorcer. Et la troisième, c'est à côté sur moi pour s'endormir dans des rêves des plus romantiques. Quand elle s'est ouverte les yeux, crise cardiaque. C'était pas Julius Iglesias, c'était Rénal Gagné. Monsieur. Oui. Monsieur le Président. Monsieur les patro-cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Montre-moi ça. Comme je dis souvent, c'est comme du rock and roll. Le son au piton. Les pitons, puis ça va venir. Ça va venir, les pitons, ah oui. Les pitons, pas des serpents, des pitons. Non, c'est des serpents à sonnette. Ding-dong. Bonjour, messieurs. Ding-dong. Monsieur Avon. Avons-nous la chance de vous rencontrer? Non, raccroche, ferme la porte. Cang. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme rénal de Le Néant Gagné. Attention, parce que je ne suis même pas certain que je vais avoir... Oh oui, je l'ai. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. C'est incroyable. Car l'absurde aventure ça s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier Rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 25 octobre 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos... Oui, allô? OK, t'as appris que Ghislaine était... Ben là... Ouais, je voulais pas te l'apprendre avant la fin de l'émission. Ben là... Ben oui, je sais. Elle va s'en remettre, là. Je lui ai laissé un mouchoir, puis ses allergies risquent de passer. Ben là... Ben je sais. Je sais tout ça. Arrête, tu me mets dans cette... On peut pas continuer. Arrête, t'es un cinglé? Presque cinglé. Ah, c'est génial. Sèche tes larmes. Aujourd'hui, le vendredi 25 octobre, on le dit, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Fifi Chachnil. Moi, je disais Churchill. Hein? Fifi Churchill, de son véritable nom, Delphine Véron, est une créatrice de mode française née à Paris. Là, ce que vous allez entendre, ma rencontre que j'ai eue avec elle, remarquez ma grande connaissance de la couture, du textile et des couleurs. Là, je disais, hey, Fifi, maille à l'endroit, maille à l'envers, là. quand on tombe trop souvent, là, ça finit comment? Elle me regardait, puis elle pouvait pas répondre. Là, je disais, Fifi, si je prends une pelote de laine et que je me mets à tricoter très serré, est-ce que si je sors à l'extérieur avec mon gaminet fait en laine très serré, la pluie n'entrera pas sur mon odorat, n'entrera pas et touchera mon corps? Là, elle se demandait si j'étais normal, si je maîtrisais la langue de Molière. Fifi! Les fils que nous utilisons lors de la couture, est-ce important? Ben, je me suis dit, hey, arrête-moi ça, l'innocent, là! Hey, je suis une chanteuse aussi, là. Je fais plein d'interprétations musicales. Je suis dans l'art absolu. Je suis multidisciplinaire. C'est moi, Fifi Churchill! Née à Paris au sein d'une famille de soyeux, Fifi Churchill baigne dès l'enfance dans l'univers de la couture. Elle étudie les arts graphiques à l'ECAG, Penigan et aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est ça? ECAG? On ne sait pas, là. On peut pas. Ma recherchiste ne peut pas faire de recherche. Puisqu'elle s'est malheureusement coloré les ongles. Et elle m'a dit, « Si je touche aux touches, ça va tout partir. Hey, si j'enlève ton chèque, vas-tu partir, toi, là? » Non, mais c'est de même, les secrétaires, là, les recherchistes. Tu payes ça, là, puis ils te font les ongles. Là. Ils peuvent pas aller sur le clavier, ça va coller. Hey, mon Dieu. Moi, je me mets sur le micro, puis la langue colle sur le micro. Hein? Puis on continue. Ah, mon Dieu. Elle enregistre un disque en égyptien. Hey, monsieur, c'est qui, ça, un égyptien? C'est pas l'égyptien, ça. C'est quoi? C'est de la communication sonore. Okay. Et prend le pseudonyme de Churchill. Elle explique qu'à ce sujet, j'adorais cette langue, mais je ne la parlais absolument pas. Je chante en yaourt égyptien. La même année, elle lance sa marque de prêt-à-porter sous le même nom. Sa carrière est marquée par les rencontres en 84 avec les artistes Pierre et Gilles, avec qui elle collabora pendant toute sa carrière et jusqu'à aujourd'hui. En 86, elle ouvre sa première boutique des trois boutiques de Paris, rue de Jacques Rousseau. Entre 83 et 96, elle réalisa de nombreux costumes de scène, avec même des vidéoclips, avec Lio, Niagara, Elena Naguarana. Non, mais Hélène Naguarana. Renal, arrête. OK. Tranquille. Au pied. Renal, tu vas essayer. Lance-le tranquillement. Tu es capable. Tu as trois langues, mais enlève-en deux. OK. Alors, avec Hélène Noguera, Nina Hagen. Hey, Nina Hagen. Elle a habillé Nina Hagen, l'allemande, là. C'est qui, c'est du Nina Hagen? OK. Inventé par Renal Gagné. En fait, c'est une invention artistique. Moi, je fais pas de l'imitation. Je fais de la limitation. Comme disait M.C. Solar. Elle a aussi habillé Marc Almond, Lee Perry et encore Marie-France. En 2009, elle habille la revue de Crazy Horse, Fifi Churchill, réitère l'expérience de la musique l'année suivante avec l'enregistrement de second disque que vous allez entendre à Errance Rinaldienne. Aujourd'hui, en fait, en 2013, Errance Rinaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette femme sublime. Vraiment très bien. Un voyage chargé pour cette nuit presque hivernale. Tu prends des photos quand le monde est un peu chiant. Plus que pouic, tu sors ton numérique. Et clic-clac, les touristes joyeux s'équilibrissent. Clic-clac, clic-clac. Le monde est redevenu clic-clac. Un métro pas normal, le cheval à moto. l'auto, L'Oréal, la maison en croco. Et clic-clac, les artistes, joyeux comme des juristes. Clic-clac, clic-clac, le monde est redevenu clic-clac. Je vois tes photos quand mon monde est un peu chiant. Quand j'y vois plus que pouic, je sors ton numérique. Et clic-clac, le juriste qui s'éclate sur la piste. Clic-clac, clic-clac, le monde est redevenu clic-clac. Le monde est redevenu clic-clac. Le monde est redevenu clic-clac. Le monde est redevenu clic-clac. Tu prends des photos quand le monde est un peu chiant. Plus rien n'est comme après, plus rien n'est comme avant. Et clic-clac, les artistes joyeux comme des juristes. Clic-clac, clic-clac, le monde est redevenu clic-clac. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie. OK. Mais t'as pas amené ton album, hein, ton disque? Non. Oh, as-tu amené un disque? Non. Oh, m'aider, m'aider, m'aider, m'aider. M'aider, on va vous aider, mon cher monsieur. Tu m'as pas dit, je te le donnerai après. OK, parfait. OK, ben je vous donnerai mon adresse. Puis au Canada ou en France? Au Québec. Au Québec, pardon, oui, ou Québec, en France? Au Québec. Ouais. OK? Ouais. Excellent. Où, est-ce que vous l'avez en MP3? Oui. OK, bon, on va fonctionner avec les liens cybernétiques. Alors, Fifi, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Vous êtes dans le milieu artistique depuis quand même passablement d'années. Oui. Et vous faites autant de la musique que des vêtements, que vous avez aussi habillé des artistes. Oui. Et peut-être même déshabillé, si on ne le sait pas. Ça reste. Mais si, comme je les habille de petites culottes souvent, alors oui. Je les ai déshabillés. Vous avez, vous êtes né à quel endroit en France? À Paris. OK. Alors, vous êtes une vraie, parisienne. Oui, depuis Marie-Antoinette, même. Oh, OK. Enfin, je ne suis pas née à cette époque-là, mais... Non, non, non, non, oui, oui. La famille, ouais. Et comment vous êtes... comment tu es arrivée à te lancer dans la mode? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la famille t'a amené dans cette direction-là? Ou, Oui, mais j'ai pris des chemins très, très détournés. J'ai commencé... J'ai commencé par refuser de faire ça, même si j'étais tombée dedans quand j'étais petite, parce que ça y est, je commence à prendre l'accent. C'est bien, c'est merveilleux. Ouais, je me sentais aussi des affinités québécoises. Hein. OK, c'est bien. Du mimétisme. Oui, c'est ça. Alors, je suis née dans une famille de soyeux, mais c'était très... J'ai eu une enfance absolument... embêtante. J'étais en uniforme toute mon enfance. Alors, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie très loin. Aux États-Unis? Ouais, à Cleveland, Ohio. Et en pensant que j'allais tomber sur Iggy Pop. Eh ouais. Eh ouais. Et puis? Et puis non. Non, il n'était pas là? Non, il n'était pas là. Ah, OK. Et ben oui, je m'étais trompée, il était à Detroit. Eh oui, mais c'est une petite erreur de géographie. C'est ça, ouais. Petite erreur de géographie. Et puis je suis revenue et j'ai fait des arts graphiques là-bas et ici. Après, j'ai fait un grand virage. J'ai voulu devenir chanteuse égyptienne. Alors j'ai enregistré un disque en égyptien et c'est là où j'ai choisi mon nom. Est-ce que Chachnil. Oui, effectivement, mais est-ce que vous parlez facilement la langue ou Non, pas du tout. Je chantais en yaourt. OK. Mais je ne comprenais rien. Pourquoi les chiens? Après un voyage, je trouvais ça super beau, la langue. Et l'album, comment a été perçu là-bas? Est-ce que ça s'est rendu jusqu'à... Non, parce que j'ai abandonné très, très vite au moment de la sortie. J'ai abandonné, j'étais enceinte. Alors, pour la promo avec la danse du ventre et compagnie... Ça va pas très bien, non? Non, ça allait pas très bien. Et c'est là... où on en vient. Et c'est là que j'ai fait de la couture parce que je me suis dit, le bébé, le machin, le dessin, j'ai repris ma plume et j'ai commencé à dessiner. Mais t'as fait aucune école? Ben, j'ai fait des arts graphiques et ouais. J'ai fait une toute petite 3 mois d'école de mode et ça m'a gavé. J'aimais pas. Alors tu voulais... J'aime pas la mode. C'est ça. Alors tu voulais créer sans voir les contingents académiques. Tu voulais être libre de tout. Oui, voilà. Et dans ton œuvre, ça paraît aussi, là. Mais oui, pendant des années, je faisais ça juste pour l'art. Je faisais pas ça pour le vendre. je ne proposais même pas des collections dans les dates et j'invitais pas d'acheteurs. Alors, c'était pas gagné. Et puis après... Après, je sais pas, j'ai eu une collection d'enfants, j'ai arrêté, je me suis dit qu'il fallait les nourrir. À cause de ton enfant, tu t'es lancé dans la collection d'enfants, tu voyais qu'il n'y avait pas vraiment de vêtements pour eux, pour tes enfants. Non. Okay. Non, non, j'ai pas fait de collection d'enfants, j'ai fait une collection d'enfants, c'est-à-dire d'autres enfants. Ok. Puis, alors là, je me suis arrêtée un peu, j'ai réfléchi et quand j'ai repris, je me suis dit, il va falloir le vendre. Et là, comme c'était invendable, ce que je faisais, pourquoi juste pour des. Il n'y avait que les artistes qu'ils portaient. Trop extravagant. Oui. Que la nuit, que des gens comme moi et que... Je croyais qu'on était tout à fait comme tout le monde, mais... Conventionnel. Conventionnel, mais... Mais c'est... tu vois que les gens sont sclérosés. Les gens n'ont pas vraiment la même vision éclatée que nous, on peut l'avoir. Mm. Donc, c'est toi qui amènes la couleur, sinon tout le reste est mort. Ben oui. Encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, ça va parce qu'il y a eu un parcours... Donc, ce que tu as à dire, une fois que tu le dis, tu le répètes, et quand ils ne comprennent pas, tu le re-répètes, etc. Après, ça commence à être compris. Je vois beaucoup plus de filles déguisées en vraies filles, et des couleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, déguisées en vraies filles? Eh bien, qui n'ont pas peur de l'être. OK. Qui l'assument, qui en rit, et qui est pour le bien-être de tout le monde. En fait, c'est montrer ses courbes. Oui. Montrer sa féminité. Oui. L'assumer avec humour, pas... Mais t'as habillé aussi des chanteuses comme Lio, donc qui étaient très, très féminines et sensuelles. Donc, oui. Est-ce que c'est à l'époque des brunes ne comptent pas pour les prunes? Non, c'est après. OK. Oui. En fait, c'est pas... je l'ai habillée parce que quand j'ai rencontré Pierre et Gilles, on est tombés en amour et on a... le lendemain, on travaillait ensemble. On s'est rencontrés, c'était très étrange. C'était pour un... pour l'ouverture des Arts Déco, et c'était pour Mitterrand. Okay. Mitterrand et 15 personnes, et eux, ils faisaient une expo et moi un défilé. Et voilà, on s'est rencontrés là. Pourquoi tu voulais rencontrer Iggy Pop lors de ta jeunesse? Oh, parce que c'était mon idole. Tu voulais avoir une relation intime avec elle, avec lui? Non, ouais. je savais pas trop encore. Okay. Non. J'étais juste intriguée par le personnage. Le personnage, sa musique, j'étais fan. Et par la suite, tu l'as rencontré? Eh bien, figure-toi que jamais. Et j'aurais pu. Hein. Mais as-tu tenté de jamais. Le faire par la suite? Jamais t'as voulu? Non, puis moi, je crois... Je provoque jamais... Alors, si ça n'a pas fonctionné là, on n'amène pas plus d'eau au moulin, on laisse ça comme ça, ça devait être comme ça. Ben oui. OK. Ben oui. Alors, est-ce que tu crois qu'il... J'ai rencontré le fils de Jesse Owens. C'est pas mal non oui, plus. Oui. Mm. Est-ce que lorsque tu le regardes actuellement, est-ce qu'il vieillit bien, Iggy Pop ou Il faisait quoi? Est-ce qu'il vieillit bien? Ah oh, oui. Selon moi, il vieillit bien, ouais. Ouais. Puis il n'a pas bifurqué, il est resté authentique, il est resté lui-même. Mais exactement. Et t'es-tu toujours fan d'Iggy Pop? Absolument. Je le trouve super beau et je le trouve formidable. Il est complètement dans la vie, dans la vraie vie, dans l'actualité, et à mon avis, il ne regarde pas derrière. Non, c'est pas il voit que le présent. Il ne voit même pas devant, il voit que le présent. C'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'il est comme toi? Ben oui, ni devant ni derrière. Non, mais quand tu es dans la mode, tu ne dois pas être visionnaire, voir ce qui va se passer. Non, tu dois faire ce que tu as envie, c'est tout. On dit qu'il faut être visionnaire, mais en fait, c'est si on soucie du regard des gens et de ce qu'ils vont aimer, mais quand on fait... ce qu'on aime, on le fait au moment où on l'aime et après on vous suit ou pas. Lorsque tu regardes ce que tu as fait, trouves-tu que tu es d'avant-garde? Trouves-tu que tu as mis de l'avant des vêtements qui aujourd'hui sont encore extrêmement actuels à une certaine époque? Oui, parce que c'est un style, c'est pas de l'avant-garde. Pour moi, quand je regarde ce que j'ai fait, je me dis je suis folle. Ça, c'est sûr. Ah, tu te considères comme une folle? Ah oui. Un peu comme Diane Dupin. Non, on n'a rien à voir. Non, mais ben dans la folie, elle peut-être. Dit ça aussi. Non, mais dans la folie peut-être. Chacun, de toute façon, c'est quelque chose de très respectable. Mais pour les différences, je ne sais plus ce qu'on disait, mais en tout cas... L'avant-garde de tes vêtements. Ah oui, l'avant-garde. Oui, peut-être, forcément. Il y a un moment où on se dit, tiens, je pourrais très bien arrêter. Parce que quand j'ai commencé... Il n'y avait rien, par exemple, en lingerie, il n'y avait absolument rien qui me plaisait. Maintenant, je commence à voir des trucs pas mal, hein, qui font un peu fifi et tout ça. Je me dis, oh, ben, je pourrais m'arrêter. parce que tu sens que tu as donné l'essence même à ce que tu as voulu. Voilà, puis il y a des suiveurs, et puis c'est très bien. Et puis, tu n'as rien contre les suiveurs, des gens qui te copient ou des gens qui... Ouais. Pourquoi? Ben parce que des idées, j'en aurais toujours. OK. Ah, alors toi, ça... Ça me dérange pas. Okay. Je me dis, je regarde ça, les copies, tu sais, je regarde. Et je me dis, oh, c'est pas très bien fait. Bon, ben tant mieux. Avec les années, est-ce que tu viens à t'essouffler dans la création? Est-ce que tu manques d'inspiration ou au contraire, tout ce qui bouge t'inspire? Mais oui, puisque c'est les filles qui me font... qui m'inspirent. Mais voilà les gars, ben, t'as déjà habillé Julien, il semble? Oui, avant j'habillais les garçons, mais surtout sur scène. Okay. Genre Marc Almond ou même Lee Perry. Oui. Grand moment de désespoir. Pour lui? Non, ben, pour moi. Un jour je l'ai habillé j'ai fait des costumes pour une scène. Et j'avais fait un pantalon avec, tu sais, deux zips sur les côtés. Oui, ouais, pour que ça parte plus vite. C'était joli, tu vois. Et alors, la grosse bêtise que j'ai faite, c'était vraiment au début, et je lui avais fait des boutons de pression. À un moment, il respire très fort. Paf. Bouton de pression qui saute. Zip, qui descend. À la Iggy Pop. Et là, j'étais mal. Non, j'étais pas sur scène, j'étais en bas, premier rang. Et j'étais comme ça. Et heureusement, il y avait une danseuse qui a assuré, mais vraiment, à côté de lui, qui est passée devant lui comme ça. Elle remonte son zip et elle met le truc. Avec élégance. Et c'est passé, mais moi, c'était la honte totale. Je me suis dit presque, je vais arrêter le métier. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit après? Il m'a dit merci, c'était chouette. C'est ça, c'est devant ce qui se passe, on doit réagir. Donc peut-être lui a été fier de... Peut-être, voilà, d'avoir une fille qui lui saute dessus, qui le rhabille, ça a fait un truc et tout ça. Mais moi, pour mon métier, j'ai appris quelque chose. Je n'ai jamais de bouton pression sur scène. Terminé. On va dire ça aujourd'hui, s'il y a des gens qui doivent habiller des artistes. Oui, oublions. Peut-être le velcro, non? Il y a toujours une merdouille avec le velcro, il y a des machins qui s'accrochent, enfin okay. Ça c'est pas bon non plus. Okay. Le vrai bouton. Conventionnel, voilà. Est-ce que tu es approché encore pour habiller des artistes? Bien sûr. Ok. Est-ce que tu acceptes à chaque fois ou tu dois connaître et aimer l'artiste? Il faut que je l'aime. Il faut que je l'aime énormément. Quelquefois je suis obligée de refuser parce que je viens de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et à ce moment-là, il ne faudrait pas que... Il y a de la redite peut-être. Tu veux voilà. Pas redire les mêmes choses. Mais non. OK. Exactement. Comment Igelin... Je ne pourrais pas faire des petits clones, tu vois, ou habiller deux filles, pareil, parce que après, c'est vraiment... Ou alors, il faudrait que ce soit un grand travail avec tel ou tel artiste et ça, j'ai moins de temps, mais j'adore ça, j'adore le costume de scène. Comment Igelin t'a approché? Comment Igelin t'a approché pour l'habiller? Ah, c'est drôle quand t'en parles. Mais est-ce que je l'ai habillé? Oui. Je l'ai habillé? Oui. Comment c'était? Eh bien, je sais pas. Naturellement, il m'a approché. Il est venu, je pense. Alors, normalement, règle générale, c'est eux qui viennent vers toi et non pas toi qui vas vers les artistes. Mais ouais. On frappe à ta porte. Mais oui. Ben, c'est normal, ils ont besoin de costumes. Moi, je fais des costumes, ils viennent. Elle comme le mentionnait Jim Morrison. Jim Morrison. Errance Reynaldian, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Elle n'a jamais habillé Jacques Evelyn. Je le sais. Je sais, je tiens à le dire à tout mon public très cher que je croyais que Fifi avait habillé Jacques Evelyn. Voilà qu'elle était embarrassée, mais elle n'a pas voulu me dire « Crétin, pas Jacques Evelyn, Monsieur Almond. » C'est ça le professionnalisme devant le cancre de la radio. Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu chiales encore ce soir? Tu n'as pas trouvé le bon retour, mais tu trouveras un jour. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions. Les qui? Les troncs? Les troncs? Les... Oh, mando, c'est comme les ticaniches, là. Tu dois faire attention, il y a des étons. Les traductions. T'as dit les troncs? Dis-moi ce qui ne va pas. C'est les traductions. Les qui? Les traductions. Hé, hey, monsieur. L'introduction. Là, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, une linguiste qui m'apprenne à dire introduction. Allô? L'introduction. Pardon? Allô, madame? L'introduction. L'introduction. Oui, mais quand je dis l'introduction, on dirait qu'on va m'introduire l'introduction. L'introduction. Oui, mais par où? Par où, par où, par où, par où, par où? Alors, la phrase de la première phrase. La phrase de la première phrase. La phrase de la phrase qui s'enfase ce soir, c'est celle de la déraison. Gros jambon. Hein, ça sent bien, c'est vrai. Ce soir, avec 2000 enfants, il y a des regards qui vont vers le zoo. Des tigres féroces les regardent. Oh, les petits enfants, ils vont les nourrir. C'est des gros... C'est quoi, des... Gros jambons. Avec des gros jambons. Des gros jambons. Oui, mais les petits enfants, avec leurs petites mains, qui essayent de découper le gros jambon, de le tirer devant les tigres soudain. Voilà les regards qui les fixent. Qui les fixent. Sans aucune raison. Les petites mains des enfants. La viande. Puis devant tout ça, gros jambon, gros jambon. La chance était en baisse une fois de plus et l'excès de vinasse me portait sur les nerfs. C'est quoi la vinasse? De vinasse. De via, de virasse. Celle qui m'a indiqué, qui m'a écrit le texte, ça me semble tout à fait étrange. Mais je le lirai et j'inventerai le mot vinasse pour, disons, vinasse. Qu'est-ce que c'est de la vinasse? On a le dictionnaire ici? Oui, mais il faudra regarder. On a une petite chanson? Petite chanson. Petite chanson. Non, vinasse. Disons, La chance était en baisse une fois de plus. Et l'excès de vinaigre me portait sur les nerfs. Ben, c'est certain. Quand les gens font leur vin maison, c'est toujours raté. Parce que là, il n'y a pas la senteur du vin. Ce qu'ils se disent, on va ajouter un petit ingrédient. C'est une bonne idée, ça. Ben oui, ça sent pas comme le Bordeaux. Ben, c'est certainement pas du Bordeaux, c'est pas du raisin. C'est de la poudre de raisin. Mais t'es, c'est toi la poudre. C'est toi la poudre, c'est toi le gros raisin. Gros jambon. Non, c'est gros raisin. Gros raisin. Non, mais c'est pas ça. Quand tu veux boire du bon vin, fais-le pas chez toi. Dis-moi que tu ne le fais pas chez toi. Que des gouttes ne tombera pas de joie. Car dans ma bouche, je sentirai le malheur et je risquerai d'offenser. Et là... Et monsieur, je cherchais à trouver... Je voulais trouver la résonance avec heure, labeur, ouais. Mais là, il y a un problème. Quand tu fais ton vin maison, mon petit champion, dis-toi que c'est juste pour ton usage personnel. Demande pas à tes voisins, tes amis d'en boire. Si tu veux mourir, meurs tout seul là-dedans. C'est une aventure, là, unidirectionnelle. Par contre, quand tu reviens de voyage en France, là, ben là, amène-les, tes amis. Dis-leur, ben, hey, moi, je vous invite. J'ai acheté, ben en fait, oui, j'ai acheté 2 bouteilles. Parce que ça fait 3 semaines que je suis à Paris et je les ramène. Mais par contre, vous devrez boire mon vin. Non. Eh, mais c'est pas vrai. Oui, attention. Vous devrez. C'est là que ça se passe. Vous devez boire mon vin maison. C'est ma première cuvée, là. Les bouteilles, j'en avais plus. Fait que j'ai pris de l'eau minérale bouchonne, avec un bouchon qui se visse. Elvis. Est-ce que tu te vissais? Tu étais ma vie, mon vice. T'étais tout ce que je voulais. Devant mes 12 bouteilles que je voulais remplir à soir, je voulais pas avoir l'air d'un petit amateur. C'est pour ça que je me suis caché derrière tes albums de ce passé, Elvis. Derrière les albums de ce passé, Elvis. J'ai pris tes 30 ans et puis... Je me suis barricadé à soir. Je ne suis qu'au bord du désespoir. Parce que ça pue en joie le vert. Comment ça j'ai suivi les instructions? Mais j'ai moi-même, j'ai pas d'instructions. J'ai mal lu peut-être les connaissances qui me ramenaient. Sans connaissances. Puis si ce soir... 3-4, je tue 3-4, tu 3-4, 3-4, tu 3-4, tu 3-4. Si ce soir, je tue 3-4 amis, c'est à toi que je penserai, Elvis. Elvis. C'est à toi que je penserai, Elvis. Elvis. Oh, petit. Hey, Elvis, voyons donc! La phrase c'était. Du ring aux abattoirs. C'était la première cigarette que je fumais dans ma cachette. Évidemment, elle m'a fait tousser et c'est pour ça que j'ai recommencé. C'était ma première cigarette et c'était loin d'être la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. La première coupe de champagne, c'était pas le goût du champagne. Et le premier verre de bière, c'était pas le goût de la bière. Mais la première fois que tu m'as embrassé au cinéma, c'était la première fois, mais ça fait déjà le goût de toi. Comme ma dernière cigarette que j'ai fumée dans ma chambrette. Évidemment tu l'as allumée, c'est pour ça que je l'ai adorée. C'était ma dernière cigarette et c'était vraiment la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, je ne le sais que quand tu es ici. Pam, pam. padadam padadam pam padadam padadam pam padadam padadam padadam padadam pam padadam padadam pam padadam padadam padadam padadam padadam padadam padadam padadam padadam padadam. C'était ma dernière cigarette que j'ai fumée dans ta chambrette. Évidemment, tu l'as allumée et c'est pour ça que je l'ai adorée. C'était ma dernière cigarette et c'était vraiment la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. Avec le même groupe de travail ou si tu te modifies, est-ce que tu changes régulièrement ou tu non, c'est les mêmes. On n'est pas beaucoup, mais c'est tous toujours les mêmes. C'est la même couturière depuis toujours. La couturière, pourquoi juste une? Non, mais c'est la première d'atelier, c'est toujours la même. Après, il y en a eu d'autres, mais celle du début, elle est là. Mon assistant... Depuis le début? Depuis le début, okay. Il est là. Elle te connaît par cœur. On se parle pas, quelquefois. On fait comme ça, on regarde. Est-ce que vous faites du travail? Ah oui. Ça arrête pas, c'est mais même... ça arrête pas. On est obligé, on fait. Tu sais, entre le dessin, ce que tu as dans la tête et la façon dont le tissu réagit, les deux couleurs se parlent. Il y en a qui cherchent des poux, tu sais pas pourquoi, tu dis oh, un joli turquoise avec un joli aubergine. Tu te regardes, tu fais. L'horreur, tu vois, parce que sur ton dessin, c'est vachement beau. Alors, c'est quand tu les vois devant toi que la réaction peut modifier. Complètement, complètement. C'est pour ça que j'adore encore faire des patrons. Alors, on dit la patronne, oui, mais moi, j'aime bien. Ah oui. Est-ce que des fois, devant le résultat, tu dis « Oh non, je veux pas que ça sorte. » Ah oui, oui, oui. Souvent? Ah oui. Ah oui. Alors, t'es très exigeante envers toi. Mais oui, parce que quelquefois, tu vois les trucs, c'est moche. Et dans ta tête, c'était mieux que ce que tu vois. Bah évidemment, donc il faut continuer, il faut recommencer, on change le tissu, celui-là tombe mieux, l'autre, il... je sais pas, puis quelquefois, tu as les choses dans les mains, puis c'est de la matière vivante, tu vois. Donc, tu recommences, tu choisis autre chose. Tu... Avec les années, as-tu changé de matière ou c'est-tu resté fidèle? Oh, c'est vrai que j'ai des petites obsessions quand même. Ouais, sur la soie ou alors le pétrole pur, tu sais, le nylon. C'est vrai qu'il y en a qui reviennent régulièrement, tout le temps même. Est-ce que, en travaillant la matière, est-ce qu'elle s'est modifiée avec les années? Est-ce qu'elle est de moindre qualité? Au contraire, Moi, je vais la chercher de meilleure qualité. Alors, tu voyages ou... Par exemple, tu vois les petits pulls comme ça en angora qu'on fait? On les fait depuis 92, tu vois, ça remonte. En revanche, on les fait toujours par les mêmes lapins. Tu sais, c'est un système, tu tombes pas les lapins, tu les peignes. OK. Alors, c'est... à quel endroit, ça? Saint-Benoît-du-Sault. OK, alors c'est français. C'est français, c'est un des 100 plus jolis villages de France. Et on a remarqué que la qualité baissait. Et c'est pourtant les mêmes lapins, mais c'est pas les mêmes lapins qu'en 92, puisqu'ils sont morts, ceux-là. Oh, oui, ben oui. Alors, peut-être, tu vois, ils se nourrissent moins bien ou... Je ne sais pas. Et c'est le même monsieur, tu vois. Alors, je me dis que quelquefois, il faut aller les voir, tu vois, comme les fleurs. Ah oui. Il faut aller leur parler, peut-être leur faire des petits massages, je ne sais pas. Oui, c'est ça, de l'acupuncture. Au petit, ils ont réduit la cage et puis peut-être qu'ils les laissent moins aller en vadrouille. On les nourrit moins bien puisque ça coûte plus cher. Oui, je ne sais pas, tu vois, des trucs comme ça à étudier. On ne sait pas pourquoi. On sait pourquoi la qualité est moins bonne quand... C'est fait dans d'autres pays, trop vite ou je sais pas quoi. Ou... Et surtout que tu n'as pas une visibilité sur la matière, donc on peut te refiler n'importe quoi. Exactement. Mais lorsque ça arrive, là, tu t'en rends compte que c'est de la merde. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui. Est-ce que tu peux te fâcher et appeler le fournisseur et dire là, tu m'as foutu. Oui. Oui. Ça m'est déjà arrivé parce que tu sais, nous, on achète nos tissus à Lyon. À Lyon, ce sont des soyeux. Normalement, ils sont spécialistes de la soie. Et ça va tellement mal en France. Qui sont devenus quelquefois juste des teinturiers. Et ils achètent leur soie en Chine ou en Inde, ils font venir ça, ils teignent en France et ils vendent ça comme de la qualité française. Okay, ouais. Et tu es là, tu leur dis, mais il y a un problème parce que Vous venez de me proposer une teinture française ou chinoise, mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Soit elle est faite où? La matière première. À l'origine, ça part d'où? Voilà. Donc tu dis, bon, bah alors au revoir, alors on va changer. Mais c'est très grave. Je les accable pas. C'est très. Il n'y a plus de mûrier dans le sud de la France. Okay. Donc il n'y a plus de verre à soie. Mais est-ce que ça donne le goût de changer de matière puisqu'elle est de moins de qualité? Non, parce que on peut en trouver encore. Okay. Donc, ouais. C'est moins de qualité. Oui. Mais on cherche longtemps. Oui, mais ça doit augmenter la note, donc les vêtements sont encore beaucoup plus chers. Ah ben oui, c'est super cher, Fifi. Mais les gens qui viennent chez vous, comme c'est la crise, c'est des individus qui sont quand même en moyen financier, passablement... Non, tu sais, c'est peut-être des individus... Tu sais pourquoi les vêtements sont moins chers? C'est parce qu'on les produit par grande quantité. Ouais. Nous, on y arrive quand on le fait pour Etam, La Redoute, les Trois Suisses, je ne sais pas quoi. On arrive à avoir les prix pas chers parce qu'on en fait plein. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour des filles à la chaîne que nous, dans l'atelier, etc., en toute petite quantité. Et en fait, les gens qui nous achètent, je pense qu'ils ont peu de choses dans leur placard. Et quelquefois, c'est des petites japonaises qui ne gagnent pas tant d'argent, mais qui ont peu de choses et qui les soignent énormément. Et en fait, c'est un choix. Parce qu'on est habitué à consommer énormément et à jeter. Et en fait, c'est une attitude. On achète quelque chose de cher et ça dure. Et même, voilà. Alors le mieux, c'est d'acheter peut-être un peu plus cher, mais dans la durée. Mais ouais. Et un style, pas un t-shirt, deux t-shirts, quatre t-shirts, toujours les mêmes partout, quoi. Et un truc qui vous va, et puis vous y collez, et puis... Est-ce que la mode, selon toi, est faite pour rester longtemps? Quelque chose qui est vraiment réussi, est-ce que ça perdure? Oui. Oui, parce que quelque chose qui est réussi, c'est quelque chose qui correspond exactement à la personne. Je crois pas à la mode, okay. Je crois au style. Okay. Et si ça correspond exactement à la personne, elle peut le porter... 10 ans avant, 10 ans après, si elle ne change pas de silhouette, elle n'a pas besoin de changer de taille. Donc c'est la personne qui fait le vêtement. Mais oui. Okay. Et moi je le fais pour elle. Et c'est elle qui m'inspire et après ça. Voilà. Alors toi c'est pas compliqué, là, quelqu'un entre chez toi, tu vois comment elle marche, tu vois comment elle déambule, donc tu sais très bien le vêtement qu'elle. Qui va lui aller, ouais. Donc un vêtement long si elle moule. Ouais. Donc, c'est vraiment un travail esthétique et visuel. Oui, et puis de confiance, tu sais. Souvent, elles viennent chez toi parce qu'elles ne savent pas trop. Elles ont envie d'être une fille et puis elles n'osent pas trop. Alors là, elles savent qu'elles vont... elles viennent chercher ça et alors elles repartent. Elles sont heureuses, moi aussi. Et là, toi, à travers la mode, tu as fait 2 albums. Un Égyptien que l'on a parlé tout à l'heure. Et pourquoi ça te fait rire encore? Parce que 2 albums. Oui, 2 disques. Un Égyptien et l'autre et récemment. En français. Oui, mais assez récemment. Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi? Et qui t'a approché pour faire des albums? Eh bien, écoute, le premier, c'était WEA. Et le dernier, il est autoproduit par notre compagnie anglaise. OK. Tu vois? Et en fait, c'est juste... le temps de le faire. Et entre-temps, j'ai fait plein de petits concerts, tu sais, pour les amis, des interventions, des machins. Mais l'envie de faire un album, c'est venu. C'était très drôle. C'était dans un article où j'ai raconté mon parcours, le truc, le nom égyptien, voilà, mais mon attirance pour la chanson, l'Orient, que je voudrais être... égyptienne. Et alors il y a un type qui... Tu veux être égyptienne? Bah avant là, à 20 ans, je voulais être égyptienne. Pourquoi? Je voulais être arabe. Oh, sans doute pour embêter mon père, tu sais. Ah, la réaction des oui, enfants, tu sais. Parentale. Oui. Non, je voulais être égyptienne parce que j'adore cette culture, parce que j'ai eu un choc là-bas. Peut-être que je me suis sentie beaucoup plus proche. Interpellée. Voilà, des Égyptiens que de Marie-Antoinette. Et pourtant, maintenant, peut-être... Ouais. Bon, pas du tout, c'est tout ça, on ne sait pas nos origines. C'est très ambivalent. Et là, la musique, oui, 2e album. Donc, qui t'a approché pour... Alors, Jean-Pierre Stora m'approche. Et très, très sérieusement, bon, avant, beaucoup d'amis m'ont demandé de faire des choses comme... comme on en parlait avec Philippe Catherine depuis longtemps. Pas dans tu les vois soirées. Soirées avec Elena Noguera, la sœur de Lio, tu vois. Et alors on disait, ah, tu devrais, oui, avec Bertrand Burgala. Et on faisait des petits concerts, on faisait des machins. Et puis jamais rien de sérieux, tu sais, entre amis comme ça. Et puis ce type-là, Jean-Pierre Stora, enfin ce monsieur, m'approche en me disant, j'ai des textes pour vous, j'ai des choses, je compose, j'ai composé pour Jeanne Moreau, pour Odalida, pour, bon, très respectable. Et il vient me voir avec des compositions sublimes et des textes. Et des textes un peu plus difficiles pour moi, parce que comme je ne suis pas interprète, je ne suis pas comédienne, je peux chanter que des choses que je sens vraiment. Je ne sais pas, vous faire du drame. Un peu comme Régine. Oui, peut-être. Ah oui, oui. Ouais, c'est un honneur d'être comparée. Oui, et alors, et puis à un moment, je refuse. Je disais, tes musiques, je les adore. Mais les textes, j'ai du mal. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, Fifi, vas-y, écris. Et là, je trouve que c'est difficile d'écrire. Parce que, ouais, c'est difficile d'écrire. Ah oui, oui. Et c'est là où j'ai dit à Philippe, est-ce que tu veux pas m'aider? Et donc voilà comment c'est parti. Et puis il m'a écrit des textes. Et puis on en a co-écrit. C'est plutôt lui qui a un peu tout écrit. Alors il y en a sur les cinq. Hein. Ouais. Il y en a trois de Philippe. Et il y en a une fille qui s'appelle Julie Sonny d'Ardois, qui a écrit « Ma robe en soie » dessus, ravissant. Et c'est une amie de Jean-Pierre Stora, une dame qui écrit magnifiquement bien. Et puis une autre qu'on a co-écrit avec Pascal Mounet, à deux, qui s'appelle « Les bonbons anglais ». Ah, c'est bien. Voilà. Et cet album-là, tu l'as fait dans des studios professionnels? Oui, oui, oui. Okay. Ouais. Et éventuellement, est-ce que tu as été appelé à faire des spectacles? Est-ce qu'on t'a demandé? Oui, après, on a fait des tas de petits concerts. Alors, moi, je pensais vraiment dissocier la mode de la musique pour pas griller l'équipe. Et en fait, c'est la culotte qui m'a demandé. Enfin, c'est plutôt à cause du parcours qu'on a été amené. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Et puis t'es fière de cet album-là? Oui, très contente. Et du coup, on continue maintenant. Oui, j'ai, oui. J'ai plein de chansons en chantier. Alors, t'as un troisième album en vue, là? Ouais. Thank you.

vivait parfois. Richard. Hé, Richard. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes. Simplement, des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin, derrière la glace du comptoir. Et on se dit qu'il est bien tard. Qu'il est bien tard. Monsieur Richard, le dernier pour la route. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant, à peine moulante avec un nœud sur le devant. Mais quand je pose ses reflets roses virent au violet et son volant vient froufrouter sur mes mollets. Ma robe en soie, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est une légende comme un bijou dans la famille. Elle a connu Baden-Baden, la Riviera, Monte-Carlo, la belle époque, l'Eldorado des casinos. Ma robe en soie est aux abois tous les samedis. Quand je l'enfile, je sens ses fils qui s'émoustillent. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant. Sauf dans mes rêves, tu la soulèves si tendrement. Ma robe en soie, tu la soulèves si tendrement. Ça va très bien pour toi? Ah ben ça va très bien. Il te manque de temps, bref. Parce que t'as... Mais oui, c'est ça, partout. Il manque de temps. Ben oui. Ouais. Une vie de femme, c'est quand même assez... assez restreint, donc il faut... Ben oui, restreint, comment ça? Ben je veux dire, dans le fait qu'on ne peut pas tout faire. Ben non. Donc on a juste 24 heures dans une journée, donc c'est restreint. On peut ben pas, oui. Surtout quand on est soumis à ce cycle, tu sais, des saisons oui. Et des collections, ce qui est absolument ridicule, oui. Étant donné qu'il fait... Et toi, tu suis le truc, tu suis le cycle des collections. Je suis obligée d'en faire deux par an, tu vois. Okay. Et ce qui fait 4 par an, puisqu'il y en a une de robe et une de lingerie. Voilà, ça fait 4 par an, c'est tous les 3 mois. Donc, c'est beaucoup plus que les 10. C'est ça que j'aime bien avec la musique, c'est que les gens, ils font un truc tous les 5 ans. Ou alors là, tu dis, tu as fait 2 albums, c'est magnifique. Un album, 20 ans, l'autre maintenant, ça se tient. As-tu d'autres projets aussi extravagants que ça? Non, parmi mes autres projets, je fais des photos tout le temps. C'est-à-dire la ville de Paris ou des gens que tu côtoies? Alors, des filles parce que je fais les photos de toutes les collections et de la ville de Paris parce que j'habite en face du Moulin Rouge et oui. J'ai une obsession. Ah, c'est à côté, puis gare. Voilà. Ouais. Et je le photographie tous les jours, tout le temps. Enfin, ah, tous les temps. Beau, c'est vrai. C'est beau. C'est vrai. Je passe à chaque jour, 3-4 fois par jour. Donc, c'est la nuit. C'est magnifique. Merveilleux. Ça fait des photos. C'est jamais pareil. T'as le ciel immense. Enfin, c'est jamais pareil. Malgré les années, tu te fatigues vraiment pas de regarder non. Le Moulin Rouge, de regarder. Non, c'est comme si on se fatiguait de regarder le ciel, tu vois, jamais. Alors Paris, c'est vraiment ta ville. Oh, j'adore. J'adore Paris dans le. Dans l'œil des touristes. Oui, ben c'est oui. Des. Ouais. Voilà. J'aime pas Paris dans l'œil des Parisiens. D'abord, ils se plaignent. Et... Oui. Ils sont pénibles, mais. Mais comment tu fais, toi, pour pas l'être imbu? Ah, mais moi, je suis une touriste. Une touriste, mais aussi une créatrice, donc tu vois autre chose que les gens en général. Ben, donc, tu as un œil beaucoup plus artistique que désabusé. Ah oui, non, je peux pas être désabusée, moi. Avec les années, on est toujours étonné des choses de la vie. Heureusement. Oui. Heureusement. Mais oui, sinon on est mort. Oui, oui. Puis surtout qu'on ne se ramène jamais au passé, donc il faut toujours... Ah oui. Oui, oui, oui, ça c'est pénible. Hey, j'ai 10 questions, puis on va vérifier tout ça. Si tu étais un liquide... Qu'est-ce que je serais? Oui. De l'eau. Source de vie, oui, de l'eau pétillante, c'est ça. Houblonnée, houblonnée. De l'eau qui nourrit, de l'eau, le houblon. L'esprit et le corps. Si tu étais une ville. Une bulle? Une ville. Ah, une ville? Une ville. Paris. Ben oui. Ah, ben oui. Ben oui. Est-ce que ça fait. Lorsque tu écoutais Yves Montand qui chantait Paris, ça, tu te reconnaissais là-dedans? C'est pas triste, Yves Montand. Non, non. Bon, ok, ouais. C'est archaïque, peut-être? C'est vieux jeu? Paris? Oui, peut-être. C'est dépassé. Quelle chanson sur Paris que tu adores entendre? Madame m'a donné ma grand-mère. Il y a une dame qui lui a demandé, excusez-moi madame, si je peux vous acheter une cigarette. Et ma grand-mère a dit, oui, très bien. Blanc. Blanc, ok. Okay, pas de problème. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Une langue à parler? Une langue, oui. Oh, ben, je crois... Je crois le français encore. L'égyptien aussi, peut-être. Ou l'égyptien, mais je n'ai toujours pas appris. Ou le yaourt. Le yaourt, ah oui, c'est tellement bon. Le yaourt. Nature aux fraises, Si tu étais une époque... Celle-ci. Oui, parce que tu te sens bien, à l'aise, tu te sens confortable. Oui. Et tu sais, il n'y en a pas une rêvée. Qu'est-ce que tu vas dire, une époque dans le futur? Moi, ça me fiche la trouille. On sait pas trop où on va. Le passé, quelquefois, il y a des trucs qui sont pas top. Et là, maintenant, tu sais, quand on dit, avant, dans les années 80, c'était vachement plus facile. Attends, quand je vois les mômes capables de faire des trucs sur... Oui, nous, on nous signait quand on faisait n'importe quoi en musique. Ça, c'était facile. Mais eux, maintenant, c'est pareil. Hyper facile. Ils mettent un truc sur Internet qui fait marrer tout le monde. Ah oui. Je crois. Ah oui, c'est donc, vrai. C'est maintenant. Maintenant. Parce que tu es une fille du présent. Oui. Et est-ce que tu crois que le fait d'avoir proposé aux gens des vêtements t'a donné une certaine visibilité? Le fait d'avoir proposé des vêtements aux vêtements. Oui, certainement. Oui, parce que ça a parlé pour moi. Tu sais, le vêtement, ça parle pour la personne. Ça annonce la couleur. Ouais. Donc, le fait d'en faire, quelquefois, on pose même des questions. On se demande pourquoi on me pose des questions, quelquefois, même politiques. Okay. On me demande des trucs, je sais pas quoi. Pourquoi je devrais avoir quelque chose à dire? Tu le dis à travers tes vêtements? Tu le dis oui, à travers je tes pense. Vêtements. Oui. Alors, tout est politique, même les vêtements que tu proposes. Absolument. Ah oui, effectivement. Mais oui. Si tu étais, c'est un Québécois qui sait ça, donc je viens ici pour t'affirmer que si tu étais un mot. Un mot? Merci. Merci, ah, c'est bien. C'est gentil, surtout. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. Une fraise. Une fraise? Je la ramènerais. Oui, ben oui, c'est vrai, c'est très bien. Et si tu étais une saison? Oh, je crois que ce serait l'été. Pour la ligne vestimentaire ou pour le plaisir du soleil? Oui, parce que j'aime bien le vêtement réduit à son minimum. Et ça me fatigue de prendre trop de temps pour s'habiller, okay. Tu sais, les manteaux, les trucs. Ça y est, je reprends l'accent québécois. C'est bien, ben oui, on le voit. Enfin, québécois. Si tu étais un membre corporel? Un membre? Les jambes. Des femmes ou des hommes? Les jambes à leur cou. N'importe quelle jambe. Si tu étais un moment de la journée. Midi. Pour les déjeuners. Ça doit être encore le soleil. Je pense que. Je ne sais pas. Est-ce que tu te lèves très tard ou. En fait, je peux avoir les deux rythmes. Je peux me lever extrêmement tôt. Genre 5 heures du matin ou me coucher à 5 heures du matin. Donc, j'ai pas de rythme continu. J'aime bien casser le rythme. Alors, comment le sommeil peut s'acclimater avec tout ça? Je sais pas, c'est la fatigue. Tu sais, je fais du vélo, donc je peux être crevée. Et puis, quelquefois, tu te réveilles parce que tu bois deux verres et hop, tu es réveillée. Et hop, alors, tu dors très peu. Ça dépend. Je peux dormir aussi, par exemple, tout un week-end. Oh, OK. Tout le week-end au lit. Je fais des allers-retours au frigidaire. Ah oui, ben oui, il faut, hein? En rampant, ouais. En tout cas, ça dépend. Si tu étais un autre individu. J'aimerais bien être un garçon. Lequel? N'importe quel pour garçon. Voir. Pour voir comment ça se fait. Ouais. Comment ça se passe. Ouais. Puis qu'est-ce que tu oserais faire si. Oui. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ouais. Eh bien, je me le demande. OK. Tu irais pisser peut-être au début. Oui, voilà. C'est ça qui m'intrigue le plus. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le boyau fonctionne-t-il? Et à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Non. Oh, non? Non. J'ai croisé... Hier, j'ai croisé une journaliste qui me faisait raconter ma vie. Comme là, comme maintenant? Comme maintenant, mais pas pareil du tout que toi. Okay. Mais elle trouvait le parcours vachement atypique et tout ça. Moi, je lui racontais, je me fatigue toute seule. Et à la fin de l'interview, je lui dis, et vous, qu'est-ce que c'est votre vie et tout. Et elle me dit, oh, moi, ça fait 20 ans que je suis avec le même homme, il est formidable, il est magnifique. La vie est formidable. On n'a pas la même vision du côté formidable, hein? Il y en a qui ont le formidable passablement. Je sais pas. Elle l'a peut-être dit vraiment sincèrement que c'était formidable. Alors moi, je me dis peut-être j'aurais... C'est très compliqué, mon chemin. C'est, Là, tu parles du chemin amoureux, là. Oh, la vie, c'est fait... À mon avis, même le travail, c'est de l'amour, hein? C'est du désir, ah oui. C'est le moteur. Ah oui. C'est... Ah oui. Moi, je relis tout. Okay. Tout est lié, je crois. Tu modifierais des choses. Oui. Ah oui. Bah oui, si je devais recommencer, je ne referais pas pareil. Ce serait un ennui total. Pour en arriver à ce que tu es maintenant ou peut-être... Pour arriver à autre chose. OK. Oh, ça serait embêtant de faire la même chose. Mais qu'est-ce que tu aimerais être que tu n'es pas? Ah, bah, j'aimerais être la même, mais que ce soit plus simple. Moi, je crois que je me complique la vie. OK. Mais... Après tout, je peux pas me changer. Hein. Mais non, puis sinon, on serait pas là. Enfin, c'est la question. Ben oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, si on est ici, c'est parce que tu as eu ce chemin-là. Ben oui. Il faut en être fier, surtout. Oui, oh. Mais toi, tu n'es pas une nostalgique, comme on le disait tantôt. Non. Tu es une fille qui est là dans le moment présent et qui travaille pour les gens et pour les rendre heureux. Ah ben oui. Ben oui. Est-ce que tu c'est vois... la poésie du geste. Oui, ça sert à rien. Ce que je fais sert à rien. Hein. Mm. C'est juste pour la poésie. Plaisir, quand même, c'est bien. Okay. Et ben voilà. Mm. Et ça, c'est nécessaire. Et la poésie se témoigne à travers les vêtements. Ben oui. Parce que tu sais, après tout, on a besoin de vêtements juste pour avoir chaud. Ouais. Et puis, c'est tout. Donc, pourquoi faire des petites... chose à plumes et en paillettes si c'est pas pour le plaisir. Est-ce que tu te considères comme une fille simple ou complexe? Une fille quoi? Simple ou complexe? Moi, je crois que je suis compliquée. Mais je vise la simplicité. OK. C'est mon but ultime. T'es compliquée envers les autres ou envers toi-même? Envers moi-même. OK. Alors, si t'es compliquée envers toi-même, tu demandes à ton équipe autant d'exigences que toi tu l'as? Oui. Ah, je suis chiante. Ah, t'es chiante? Ah oui. Par exemple, je reçois une couleur et je dis, oh non, ça va pas. Je renvoie la couleur. Mais en fait, généralement, les chimistes, ils m'aiment bien. Okay. Parce qu'en fait, tout le monde aime bien se prendre le chou avec son boulot, faire mieux et tout ça. Si on acceptait... C'est se dépasser, bref. Mais ouais. Ah ouais. Et toi, à travers ton travail, tu te dépasses au tout quotidien. Tout le temps, je m'emmerde la vie pour des chiures de mouches. Est-ce que tu vois une éventuelle retraite? Non. Non? jusqu'à la fin. Oui, ouais. Comme Iggy Pop sur scène jusqu'à la fin. Non, ouais. Est-ce que tu vas le voir souvent, spectacle, quand tu passes à Paris? Non. Jamais? Non. OK, t'es un fidèle, mais sur disque. Oui. OK, mais tu suis dans les revues, mais jamais en spectacle. Et j'aimerais le rencontrer, mais je ne vais pas le voir. Oui, c'est... Oui, oui. Ben, peut-être que Philippe Catherine va te l'amener s'il devient ami de... Peut-être. On ne sait jamais. Ou peut-être qu'il va sonner à ma porte pour me dire j'ai besoin de quelque chose. Il faut que j'aille pisser. Peut-être qu'on va dire ça. Il y aurait déjà le jeans un peu baissé. Ouais. Avec un bouton pression. Oui, c'est ça. Hey, il me semble que j'ai déjà fait ça avant. On ne te l'a pas dit que ce n'était pas une bonne idée. Oui. Hey, Fifi, merci. Je t'en prie. Tu es rafraîchissante. Mais toi aussi. Ben, écoute, tu m'as fait rire et c'est bien. La vie, c'est ça. Hein? Ouais. C'est une bulle de champagne. Merci, à revoyure. Je t'en prie. Bye. À bientôt. Y'a la mer qu'à laver la plage endimanchée. Y'a la ville de travers et les grues déhanchées. Y'a les mecs dans la rue qui jouent au jeu des flics. Y'a des cons dans leur jeu qui ont du jeu dans leur slip. Salut, beatnik. Y'a l'automne qui se ramène avec ses foins brûlés. Et des moutons tondus qui n'iront pas voter. Y'a l'hiver et ses glaces aux oiseaux verglacés. Et la Seine qui se bagnaude en cherchant ses noyés. Salut, beatnik. Et c'est la vie qui va, les politiques chiottes. De la droite et de la gauche et de la Sainte-Parlotte. Tout ça, ça va trinquer à la santé, petit. Et de la France et du monde et des ordures aussi. Salut, beatnik. Et du rouge à Pékin et des mômes qui font ça. Le fumier, ça se conjugue aussi dans ces coins-là. Ceux-là, quand ils auront leur compte en risotto, tu verras tes week-ends au safran, mon coco. Salut, beatnik. T'es pas encore pourri et t'es comme un voilier. Sous les ponts de Paris, tu navigues arrêté. Ta guitare dans la voix et ta voix sur l'horreur qui fait pousser les gens comme ça au petit malheur. Salut, beatnik. Beatnik, fais-toi anard et puis va boire un coup avec ceux qu'on trinquait en Espagne et partout. Avec ceux qui disent non toujours pour le principe. Avec ceux qui tout nus ont l'air d'avoir des nippes. Avec ceux qui joyeux dans la course au malheur sont toujours les premiers, sont toujours les meilleurs. Avec ceux qu'on Johnson au cul et quelques autres. Les fidèles, les Mao, les Charlots, les apôtres. De la tristesse parfois de vivre. De la tristesse. D'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle, elle ne craignait ni Dieu ni personne. Tout l'été, ils se sont vraiment préparés. Tout l'été, ils ont beaucoup voyagé. Elle était là debout sous le regard flou de son homme. Et dans sa robe rose, elle avait mis des choses qui détonnent. Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Non, ah, à quoi te sert d'avoir? De quoi fais-tu la guerre? Ah.

En Normandie, figure-toi. J'adore. J'ai une maison en Normandie, j'y vais jamais. T'as une maison que tu fréquentes jamais? En fait, c'est une maison, c'est les communs d'une ferme. Okay. Il y a une écurie, une bergerie, il n'y a pas de porcherie, un poulailler. Il y a une grande pièce comme ça. C'est magnifique. Mais seulement, à force de... Tu vois, j'ai tout laissé en l'état. J'ai mis des petits lits dans l'écurie, avec des petits lits, des petits lits, des petits lits, les stalles, les trucs. Et puis, il y a un moment, les souris sont chez elles, les araignées sont chez elles. Alors, j'y vais de temps en temps, tu vois, genre deux, trois fois par an. Je dis bordel quand même. Mais toi, t'es plus urbaine que tu peux être rurale. T'es pas vraiment... Et en fait, je m'y sens bien. Hein. Enfin, j'aime bien, tu sais, juste pour tout d'un coup, plus voir personne. OK, juste pour te retirer. Pour ensuite revenir et créer quelque chose de nouveau. Voilà. Ou la paix, tu vois. Pour te ressourcer. Pas parler, penser, laisser aller ses idées, personne te les coupe, ah, ouais. T'as pas d'influence, un truc qui arrive, je sais pas quoi. Et là-bas, t'as personne. Tu vois, les gens, ils croient qu'il pleut. Ah oui, bah oui. Bah c'est oui. Faux. Ou la pluie est belle, tu vois. Et alors, la plage, il n'y a personne. Alors, toi, tu y vas. Moi, j'y vais. Relax. Oh, relax. Et alors, t'as la mer, tu sais, qui s'en va jusqu'à perte de vue. Tu te croirais sur la lune. C'est des paysages hallucinants. C'est super beau. C'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Mm-hmm. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai une envie de ça. C'est... Et tu pars à la fin juillet? Non, parce que... Ouais, allez, 8 août, par là, okay. 10 août. Okay. Et pour quelques semaines? Pour quelques semaines. Après, j'irai en Espagne pour voir des copines qui sont installées là-bas depuis longtemps et j'ai jamais été. J'ai pris moult billets d'avion réservés et tout. Jamais je pouvais. Certaines de te voir, ils sont presque réservés l'avion à ta place. On veut te voir. Est-ce que tu es présente pour tes amis ou... Bah, je suis très maison famille, ouverte, quoi, okay, à la maison. Okay. Ouais. Mais c'est pareil, c'est un peu... Passez, la maison est ouverte, passez quand vous voulez, mais... Si je suis là, ça va faire plaisir. Si je suis pas là, vous repasserez. Ouais. Okay. Ou vous pouvez vous installer. Est-ce qu'il peut arriver aux petites heures du matin ou... Oui, c'est oui. Ah oui? Je passe sous tes fenêtres. T'es réveillée. Oui, tu peux monter. Ah, mais c'est spécial. T'es vraiment une fille accueillante. Et, t'es dans la ville de Pigalle. Ben oui, je crois. Pigalle est une rue qui vit 365 jours par année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm. Et toi, t'en témoignes, t'es tout le temps à l'écoute de tes amis, si vous avez des problèmes ou si vous voulez prendre un coup. Mais tu sais, c'est toujours les mêmes amis, même si ça s'agrandit, le cercle. Oh, oui. Mais je suis très fidèle. OK. Mm. Donc, tu t'informes régulièrement à savoir s'ils vont bien, si... Pas forcément, okay. Mais... Parce que quelquefois, même quand tu vois pas les amis pendant 6 mois, 1 an, tu sais qu'ils font des trucs, toi aussi, on se rappelle, on se raconte tout. Et puis, c'est comme si on... Il y a toujours un suivi, mais même après 1 an, tu reviens immédiatement, la connexion se fait rapidement. Oui. Les vrais amis, c'est ça. Ouais. Et en plus, moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui je fais des choses. OK. Donc, soit dans la musique, ou soit dans les vêtements, ou soit dans... Et puis, ils ont besoin de moi. Ils ont toujours besoin d'habits. Ah, ben oui, c'est ça, le vêtement. Hein? On a toujours oublié, on est obligé d'être habillé. Donc, ouais. Puis, le travail, pour toi, c'est quoi? C'est un divertissement? C'est encore un divertissement? Oui. OK. Mais oui, parce que c'est... Ça m'amuse, en fait. Je m'amuse. Et tu t'amuses depuis... Tu fumes pas? Oh non, merci. Oh. Tu trouves ça pue? Ah non, voici. Ça va? Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein? Je suis entouré de fumeurs, donc il n'y a pas de c'est problème. C'est vrai? Ah oui. Mais donc, pour toi, le plaisir, c'est de travailler. Pas de travail, c'est la mort. C'est oui, ce qui est absurde, tu vois. Mm-hmm. C'est pour ça que j'aimerais un peu, tu vois, prendre du recul. Et puis pour écrire, encore pour travailler, pour écrire, tu vois. Écrire quoi? Écrire... Ben, finir les chansons qui sont en cours. Okay. Est-ce que tu penses éventuellement écrire un journal? Non. Non? Quand je serai morte. On m'a proposé de faire plus. Quand on est mort, il paraît. Non, mais tu sais, on m'a demandé plusieurs fois d'écrire des bouquins, ta biographie, machin. Je leur dis, mais ça va pas. Il faut que je sois un peu plus morte pour ça. Ah oui, OK. J'ai pas fini. Parce que t'es trop dans l'action encore. Ouais. Il faut vraiment avoir du vécu pour avoir un truc vécu. À dire. Oui, j'en ai, mais... T'es trop humble, hein? Il m'en faut plus. T'es trop humble. Lorsque tu vois des gens qui sont habillés par ta ligne de vêtements, Annie, tu es fière? Est-ce que tu vas les voir? Tu dis, bravo, vous avez du goût. J'aimerais pouvoir dire ça. Okay. Je vais m'entraîner. Mais est-ce que tu es... Non, mais quelquefois, oui, j'en vois. Okay, alors, quelquefois, je dis, waouh, c'est joli. Juste pour qu'ils me disent, ah, c'est du petit fille. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils te reconnaissent souvent? Ben oui, ils me reconnaissent. C'est un personnage de Pigalle. Oui, de Pigalle ou de Paris ou de, je sais pas. Parce que tu sais, même quand tu vas à l'autre bout de Paris, quelquefois, ah, ouais, on te reconnaît. Ah, ouais, mais Fifi, ça suffit qu'elle soit partout à Paris, c'est Fifi. Ah ben merci, hein, c'est vraiment, merci, c'est une fille tout à fait ouverte et sympathique. Et j'en doutais même pas. Hein. Ah bon. Mais toi, tu viens tous les étés à Paris, oui, alors faire tes émissions. Moi, c'est très concentré, moi. Mm. Je viens ici le dernier vendredi du mois de juin et je pars le premier samedi du mois de juillet. Ah oui? Donc, je reste 8 jours. Ah oui? Oui. Et j'habite dans une auberge de jeunesse ici à côté. Ah bon? Oui, je dors là avec 4 personnes. C'est ouais. superposé. Ouais. Donc, je dors là et je viens ici faire des rencontres. Comme là, cette année, en 8 jours, je fais 42 rencontres radiophoniques. Pas mal. Pas mal, oui. J'ai vu que tu avais interviewé Blanca, c'est une copine. Oui. Blanca Lee, je l'adore. Oui. J'ai aussi rencontré Burgala. Ah ben oui, ben c'est un l'année ami aussi. L'année dernière, j'ai rencontré Burgala. Là, j'essaie de trouver Philippe Catherine, qui est plus difficile. Oui. Très difficile, il est très volatile. Hein? Donc, je me dis que... Il a ses petits garçons, tu sais. Alors, entre ses projets à lui, il a plein de projets, il a plein de trucs en cours et il a les bébés. Donc, ça fait beaucoup. Tu vas attendre peut-être un an ou deux. Essaye même là, cette année, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, peut-être à un moment, on dira, oui, ah, je suis libre. Ah, j'essaie de le coincer. À un moment donné, je vais l'avoir. Je suis pas pressé. C'est comme toi, ça m'a pris 3 ans. Et je t'ai eu. Dis-lui ça. Mais oui, mais je crois aussi que le bouche-à-oreille, à chaque fois que je viens à Paris, l'année suivante, ben, je rencontre des gens qui me disent, ah, oh, ben, tu devrais rencontrer ma copine qui joue de la guitare. Donc, l'année suivante, je rencontre cette copine-là. Et suite à ça, elle me dit, ah, j'ai un accordéoniste qui est là à Pigalle, qui joue de la musique dans un bar. Tu ne l'as pas le rencontré, j'ai le numéro de téléphone, l'année suivante je le rencontre, donc après ça, ça devient oui. tout à fait. Donc je me fais une petite filière tranquillement. Mais tu fais 8 jours à Paris, tu te fais 8 jours à Londres ou non? Non, 8 jours à Paris et je ramène ça au Québec ouais. et je divise ça sur une mission de 12 mois. Ah oui? Donc mes 42 rencontres sont annuelles, donc pour un an, j'ai du matériel pour un an. Génial! Et mon émission, c'est de variété, donc il y a 60 minutes d'improvisation. Ouais. C'est de l'improvisation absurde. Ouais. Et 60 minutes de musique et d'entretien parisien, dont la nôtre. Et tu seras dans le cadre de 2 émissions. Ouais. Donc, à travers de la musique, à travers des discussions assez surnaturelles. Donc, le croisement entre le discours parisien et des personnages qui viennent entrecouper l'émission, c'est tout à fait ce que je veux donner. Donc, c'est explosif. Ouais. C'est tout à fait pétillant comme le champagne. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que tu fais ça. La radio existe depuis 40 ans. C'est quelle radio? C'est CKRL. Ah oui? Ça, c'est un vieux cabinet. Ça, c'est des années 80, ça. Ouais. Parce que la radio a 42 ans. Ouais. C'est la première radio communautaire... Non, elle a 40 ans, excuse-moi. C'est la première radio communautaire francophone au monde. Donc, toutes les radios libres viennent de chez nous. Ils se sont arrêtés à Québec pour voir comment on faisait notre radio, avec quel synthétiseur, avec quel mixeur, avec quelle platine analogique, des 33 tours, ouais. Avec quelle platine 33 tours on fonctionnait. Et 3-4 ans plus tard, ils sont venus ici faire des émissions, des radios comme Carbone 14, ouais. avec les Super Nana, je ne sais pas si tu connais, si, avec La Fesse, oui. qui est complètement déjantée. Bon, mais ça vient de notre radio communautaire à nous. Ah, donc, ouais. on est le fondateur et on a donné des petites stations de radio un peu partout dans le monde francophone. Tu sais que moi, quand on avait, dans les années 80, on avait fait une radio qui s'appelait Radio Chip. C'est la radio pour les moins de 18 ans. Okay. Et voilà, ça a duré quelques années. Ah ouais, c'est ça. Mais c'était la radio des moins de 18 ans. Et n'empêche qu'on arrivait à interviewer des gens extraordinaires parce que tu vois, des tout petits journalistes, tu vois, de moins de 18 ans. Donc, d'arriver à choper Mick Jagger, parce que je disais, tiens, môme, je vais répondre. Oh, oui, lui, il doit être touché par un enfant, donc il essaye de d'avoir l'air sympathique. Et toi, c'était quoi ton émission? Comment ça s'appelait? Radio Chip. Oui, mais ton émission, tu n'avais pas d'émission? Non. OK, toi, tu fais juste des rencontres. Ouais. OK, et c'est comme ça que tu as rencontré Mick Jagger. Oui. Ah oui, OK. Et par la suite, est-ce que tu l'as habillé, non? Non. OK. J'habillais... maintenant, j'habille sa femme et ses filles. OK. Parce qu'on est une boutique à Londres et elles habitent là-bas. Est-ce que tu y vas souvent à Londres? Oui, j'y vais à peu près une fois par mois. Est-ce que tu as un regard partout dans tes boutiques? Ben, au moins un téléphone, au moins un Skype... Au moins, voilà, puis j'y passe régulièrement, tu vois, mais... Mais tous les vêtements, ça part d'ici pour aller là-bas. C'est ici la maison mère, donc ça doit passer par la patronne avant d'être autorisée à partir pour l'Angleterre. Ah oui, oui, oui. Alors, t'es quand même le contrôle technique est très, très dur. Tu regardes les coutures, tu regardes si les tissus sont bons, si la couleur est véridique. Ouais. Donc, t'es une perfectionniste, c'est une fille qui... Je suis une fille de détail. Et c'est comme ça que tu t'es fait un nom aussi. Ben oui, c'est comme ça qu'on se fait un nom. Hein? Ben oui, si on fait à peu près. Ça ne dure jamais longtemps. Ça fait à peu près un truc moyen. Approximatif. Ouais. Donc si tu veux rester. Si tu veux faire un truc bien et qu'on dise ouais, c'est bien, c'est qu'il faut vraiment. Être attentif. Ouais. Ah ben c'est bien. Ouais. Heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Puis ben écoute, on se revoit l'année prochaine peut-être, on prendra un ben verre. Oui, c'est moi. Ouais. Avec Catherine, on sait pas. Ben oui, on sait pas. Quand je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Moi je pense que je vais aller à Calgary juste pour travailler. Y'a rien de là de l'ouvrage en masse, mais trouve-toi une place à rester. Y'a des belles appartements, y'en a d'autres qui ressemblent des gaines. Y'a rien de là, plus dans six mois, j'marie une belle trentaine. Ouais, j'pense que j'vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être des demorés. Pense que je vais descendre dans le sud, là-bas jusqu'à Moncton. Aller à l'université pour me chercher du fun. Y'a rien là, j'ai déjà été, je connais bien le chemin. C'est rien que des maudits Québécois qui se pensent acadiens. Ah, je pense que je vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être bien des Rotman. Des chums qui restent pas loin d'ici dans le bout de Tracadie. C'est pas le premier gros job, eux autres connaissent la vie. Les femmes sont smart, pis sont belles, j'pense qu'ils sont fortes. Y'a l'eau magasin avec le cœur, pis faut qu'ils barrent les portes. Bah, j'pense que j'vais aller travailler, m'acheter des exportés. Ou peut-être des marques. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.